En Corée du Sud, Séoul a abrité le 10 un rassemblement sous thème « Journée de la victoire de la bougie », des manifestations, etc. sous les auspices de l'Action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye. Et on prépare une centaine de milliers d'habitants, y compris les membres des organisations sociales, citadins, jeunes, enfants et députés de l'opposition. À la réunion à la bougie en faveur de la décision sur la révocation de Park Geun-hye tenue sur la place Gwanghwamun, les orateurs ont réclamé d'arrêter Park Geun-hye pour faire l'enquête, de condamner tous les complices et d'édifier une société nouvelle. Par ailleurs, partout en Corée du Sud, se sont tenus des meetings à la bougie et conférences de presse en faveur des succès de la lutte pan-nationale. Surtout, l'île de Jeju a été le théâtre d'un rendez-vous à la bougie d'urgence sous les auspices de l'Action de Jeju pour la chute du pouvoir de Park Geun-hye. Des sites internet sud-coréens ont véhiculé beaucoup d'articles et musiques en signe de félicitations au succès de la lutte pour la révocation de Park Geun-hye.